Vous désirez vous évader au cœur de la nature, vous endormir au pied des chutes, en couple ou en famille, et ce, avec tous les services compris? Visitez lechutealour.com et découvrez le site touristique de la Chute Alour, notre camping nature au cœur du lac Saint-Jean. Du 10 au 12 août prochain aura lieu la 17e édition de la classique de volleyball de plage Famille Prix Jeannie Larouche. Ici Mario Fortin, maire de Normandin. C'est avec un immense plaisir que j'invite les gens à venir en grand nombre assister à une performance de haut niveau des participants provenant de tout le Québec. Venez assister à des matchs enlevants de joueurs de tout âge qui vont vous en mettre plein la vue. Nous vous attendons en grand nombre au site touristique de la Chute Alour de Normandin afin de venir encourager ses athlètes. Je veux remercier le président de la classique, Danny Bouchard, et toute son équipe de bénévoles qui n'ont ménagé aucun effort afin de vous offrir une classique de qualité pour cette 17e édition. Bonne chance à tous les joueurs et on vous attend en grand nombre. On va parler de cyclistes. Victor Véro est revenu évidemment cette année dans une nouvelle catégorie. Il est maintenant dans le U23. Question de savoir un peu comment il trouve son année, si ça va bien ou si on sait qu'on connaît son histoire. Salut Victor. Allô? Victor, U23 cette année, c'est une année d'apprentissage. Parce qu'évidemment, tu changes de catégorie, puis on sait ce qui s'est passé également avec ton état de santé. Mais dans l'ensemble, comment tu trouves le U23? Ben, pour être franc, là, je m'attendais à pire que ça. Là. Ça a quand même bien été, je trouve, pour ma première année. Là. Surtout que j'avais comme un break l'année passée. Là. Oui. Mais la forme est bien revenue, puis je pense que j'ai réussi à faire des bonnes performances quand même. Là. OK. Mais je veux dire, la compétition, est-ce qu'elle est plus forte? Est-ce que c'est sûr qu'elle est plus forte, mais je veux dire, sais-tu ce que tu t'attendais vraiment ou c'est comme tu pensais? C'est pas mal comme je m'attendais. Là. C'est sûr que c'est une grosse coche, là, mais il y a des coureurs pas mal, puis il y a beaucoup de monde. Là. OK. Qu'est-ce qui fait que c'est plus fort? Je veux dire, est-ce que les pistes sont plus difficiles aussi? Non, pas vraiment. C'est pas qu'ils mettent plus de temps. Là, fait qu'ils mettent plus de temps à l'entraînement, puis le monde sont plus sérieux. Plus que ça monte de catégorie, là, fait que c'est pour ça. Là, plus que ça monte, ben faut que tu mettes du temps, puis faut que tu t'entraînes. Là. OK. Puis évidemment, ben au championnat, t'es en quelle position? J'ai terminé 13e là, au championnat canadien. Mais je veux dire... Première année, puis là, c'est une catégorie de 5 ans. OK, donc 13e sur combien? On devait être une trentaine. Là, les ah, mêmes. C'est bon pareil, c'est très bon. Ouais. Quand on se classe dans des bonnes positions, est-ce que le nouveau commanditaire, c'est plus facile d'aller chercher? Ben, c'est sûr que oui, là. C'est sûr que ça aide tout le temps un petit peu, là. Mais tu sais, je peux pas te dire vraiment, là, si j'ai remarqué... que ça marchait plus, ça mettons si je faisais des meilleures positions. Là. Mais c'est sûr que veut pas, ça aide. Ben okay. Voir les performances puis montrer ce qu'on est capable de faire aussi tout le temps le fun. Ben oui. Là, t'arrives de l'Alberta. Est-ce que du côté de l'Alberta, est-ce que c'était quand même. Est-ce que les pistes sont différentes du Québec? Plus dures, plus faciles, comment ils sont? Oui, c'était vraiment différent là-bas le parcours, là. C'était vraiment difficile. Là. Ben tu sais, c'est toutes des montagnes, eux autres, ils ont des grosses montagnes, là. Fait ça monte à pic, puis ça descend à pic, là, il n'y a pas de repos, là. OK. Donc, évidemment, faut s'entraîner en fonction de ça, là. Oh, c'est ça, là. C'est tout des... C'est les côtes sont à pic, ça monte, ça fait juste monter puis descendre, là. Il n'y a jamais plus droit, là-bas. OK. En fin de semaine, tu es au Mont-Saint-Anne, c'est ça? Ouais, exactement. C'est quoi la compétition? C'est une Coupe du Monde. OK, une Coupe du Monde. Donc, évidemment, c'est une Coupe du Monde comme on a déjà eu, là, à Saint-Félicien. Oui, comme à chaque année, oui. OK. Puis ça, ben, c'est une piste que tu connais. J'imagine que ça va être encore... ça peut t'avantager. Quoique les autres le connaissent aussi, là. Oui, c'est ça. Ben là, j'arrive une semaine avant, puis normalement, ce parcours-là, ben je le fais pas jamais, là, vu qu'il n'y a pas de course. Là. C'est ma première fois que je cours dans ce parcours-là. OK. Vu que c'est un parcours exclusivement pour la Coupe du Monde, là. On peut juste à mon âge. OK. Les chaleurs, est-ce que c'est on a une été très chaude, est-ce que ça peut te déranger? Est-ce que ça te dérange, ça? Ben, ça me dérange moi, mais ça dérange tout le monde aussi, là. Ouais. C'est sûr que cet été, là, les courses sont plus difficiles un peu à cause de ça, là. OK. Ta santé, ouais. Comment qu'elle va? Tout va bien pour l'instant. J'ai encore passé des tests, là, récemment, là, puis tout annonçait que on continuait sur la bonne voie, là. OK. Ben Victor, on va te souhaiter la meilleure des chances. Évidemment, on continue à te suivre par par le touchement des médias sociaux. Félicitations encore une fois pour ta 13e position au U23, puis on s'en reparle bientôt, à la fin de la saison. Merci beaucoup. Victor Véraud de Saint-Félicien qui va participer à la Coupe du Monde en fin de semaine du côté de Charlevoix.